France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89,1. Ce soir au micro, Claire Dumoulin en remplacement de Jean-Tiane Lafrance. Alors, ce soir, nous aborderons d'abord les installations infiltration qui sont dans les aires de circulation de la coop Méduse à l'occasion du mois multi. Ce sera une chronique présentée par Anne-Sophie Homer. Ensuite, en entrevue, je recevrai Cassandre Lambert-Pellerin. Elle nous parlera de l'œuvre du projet Vieux Québec, œuvre collective des gens d'ici. C'est présenté entre autres par le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Et en deuxième partie, nous entretiendrons avec Jean-Tiane Lafrance, qui est aussi une commissaire d'exposition. Elle présente Les Entretemps à l'espace F à Matane, qui est une réflexion sur l'intervalle en photographie. Et finalement, nous terminerons avec une chronique de Myriam Leland sur l'exposition Chevaucher l'infini, et qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins du campus de l'Université Laval. Et en musique, Simon Roy nous a préparé des extraits sonores de l'album A Tale of Three Heads du collectif Wax Triptych, qui est formé de Mononome, Genova 7 et Monsieur Woods. Alors, en compagnie d'Anne-Sophie Homer, nous allons parler des installations qui ont lieu dans le cadre du mois multi, donc dans les aires de circulation de la coopérative Méduse. C'est ça, bonsoir Claire. Donc moi, je voulais vous parler donc d'infiltration. Infiltration, ce sont les installations qui ont été travaillées par Mathieu Fecteau, Pascal Leblanc-Lavigne et Fred Lebrasseur. Donc effectivement, c'est dans le cadre du mois multi. Donc là, on sort de la période de spectacle qui touche à leur fin, je crois, à la fin de la semaine. Puis on va arriver sur la période des installations, dont on est impatient de découvrir tout ça. En attendant, on a eu le droit à ces installations un petit peu folles, j'ai envie de dire, puisque c'est des machines bricolées, des œuvres interactives qui bougent quand on passe en dessous, des moulins à vent qui s'agitent avec un aspirateur. Enfin, il y a des choses vraiment surprenantes. Donc, en fait, vous rentrez dans Méduse par le 541 sur la rue Saint-Vallier. Puis là, c'est ça, vous arrivez, vous entendez des petits bruits, des petits... comment dire, de la musique, une sorte de musique, de rythme qui se met en route, des lumières qui s'animent, et c'est ça. Donc là, c'est vraiment tout public, et ça permet aussi de dynamiser un peu l'espace, puisque souvent on a des retours de gens qui passent dans la rue en se disant « Oh, mais est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur ?» Et puis, je trouve que c'est une belle occasion, grâce au mois multi, d'animer un peu ces espaces-là, qui sont souvent assez... je dirais pas morne, mais qui peuvent être beaucoup plus tranquilles que ça. Et donc, c'est Jeanne Couture, l'une des commissaires du Mois Multi, qui a invité ces trois artistes à venir dynamiser l'espace avec Infiltration. Donc, j'ai ici le détail des œuvres qu'on a pu voir. Donc, notamment lors du vernissage, il y avait la machine à barbe à papa qui est toujours visible. C'est quand vous rentrez justement par, on va dire, la porte principale, le 541, vous avez sur normalement 5 étages les accès à Méduse. Et là, Mathieu Fecteau a installé donc cette machine à barbe à papa avec des cymbales de batterie, avec tout un système de conduit de descente de tuyaux. Il met son sucre finalement en haut, puis à la fin apparaît une belle barbe à papa. Ça nous rappelle un peu son œuvre qu'il avait fait avec des poules et puis qui fabriquait des crêpes sur la terrasse de Méduse durant une programmation. Voilà, donc ça, c'est visible en ce moment. Puis elle va être réanimée, je crois, la semaine prochaine pour la seconde partie des vernissages. Vous avez également de sa part de Mathieu, le castorateur, donc qui est, je crois, au deuxième... quatrième étage de Méduse. Il est un petit peu caché sous un escalier. Et là, il a bricolé finalement avec un crâne un petit crâne de castor, des petites mains qui jouent sur un piano en tournant la manivelle. Vous allez jouer une sorte de musique, de mélodie. C'est bricolé avec des billes, avec des systèmes de roulement à billes. C'est vraiment c'est du beau bricolage créatif. Une belle petite œuvre vraiment qui parle à tous. Quelque chose que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, qui est visuellement très beau, qui prend, c'est Virevent. C'est donc cette balayeuse qui se met en route et qui souffle sur des virevents. Elles sont situées pareil au rez-de-chaussée de l'entrée de Méduse. Et ces virevents de multicouleurs, un peu couleur licorne, qui, avec un jeu de lumière, ça des reflets finalement sur les murs autour, ça apporte un petit peu de magie dans cet espace. On aime finalement attendre l'ascenseur désormais. De quoi j'ai envie de vous parler? J'ai pas eu la chance de voir Git Gong à guichet fermé, qui ne se joue que les soirs de lancement de la billetterie. Donc, si vous avez envie d'aller vous chercher un billet pour les derniers spectacles cette semaine du mois multi, allez-y, vous aurez l'occasion de voir cette installation également. Et puis, vous avez sur la terrasse de l'ancien restaurant de Méduse, Éolienne. Éolienne qui est une sorte de gros virevent qui fonctionne avec le vent. Et pareil, qui distribue de la lumière un peu partout, c'est vraiment très joli. Alors là, par contre, pour le voir, faut le voir d'un point de vue externe. Ça permet vraiment de, pareil, de mettre en avant Méduse par une autre, d'un autre point de vue. Et c'est encore une fois proposé dans le cadre du mois multi. Ça permet d'attirer les regards aussi. Et dans ce cas-ci, donc, les œuvres sont hors des salles d'exposition habituelles. Oui, tout à fait. Les aires de circulation. Comment ça se transparaît? Comment ça influence la perception de l'œuvre? Alors, je pense qu'il y a deux façons de le voir. Il y a, les personnes qui sont au courant qu'il y a le mois multi, qui viennent, qui se déplacent, puis qui savent, qui connaissent le principe et qui connaissent Infiltration, ou en tout cas les installations qu'il y a pu avoir auparavant dans les couloirs, et qui viennent les voir. Puis je pense qu'il y a l'effet de surprise de tous ces visiteurs externes qui viennent, qui se déplacent dans le bâtiment, et là qui ont une réelle surprise parce que vous êtes appelés au plafond, vous êtes appelés sur les murs, vous êtes c'est vos oreilles, c'est vos yeux qui qui en prennent plein. Et c'est ça, c'est une autre façon de le voir. Et puis, il y a ce côté vraiment participatif du public qui est, je trouve, très intéressant dans ces installations-là. Puis ça permet de compléter aussi l'offre du mois multi qui est entre les spectacles et les installations qui vont ouvrir. Ça permet vraiment d'enrichir la programmation. Et au niveau de la rencontre de ces trois artistes-là, qu'est-ce qui émerge? Est-ce que au niveau de la complicité, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui naît un peu? Mais j'ai vu que ils étaient issus tous les trois de la musique, des arts visuels ou des métiers d'art. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la croisée finalement de trois milieux différents. Et on s'en aperçoit vite parce que comme je disais tantôt, c'est tes oreilles, tes yeux qui balancent, qui voyagent. Je pense qu'il y a déjà cet intérêt. Je crois, mais je ne saurais m'avancer si les artistes n'ont pas eu une résidence à l'œil de poisson dans les ateliers pour justement avancer sur leurs œuvres. Je pense que de là, s'ils ont pu travailler ensemble, a dû naître une certaine complicité effectivement. Puis le reste s'enchaîne à merveille, les sons, la dynamique. Je trouve que tout fonctionne très bien ensemble, même si c'est chacun à bricoler selon sa patte. On reconnaît du Mathieu Fecteau, on reconnaît du Pascal Leblanc-Lavigne. Il n'y a pas de problème, on retrouve leurs travaux, mais ensemble ça fonctionne effectivement bien comme un ensemble. La commissaire a vraiment vu juste. Ah, très bien. Et par rapport aux autres propositions du mois multi, est-ce que c'est en écho un peu avec aussi la notion d'art multi, d'électronique, d'art média? Ouais. Comment ça se manifeste? Mais je pense qu'on va avoir à nouveau de belles surprises. Là, pour l'instant, moi, j'ai encore rien vu en primeur, on va dire. Faudra attendre encore la semaine prochaine. Mais j'ai l'impression que, d'après les bruits de couloir, on va encore avoir de belles surprises, que ça soit dans le studio d'Avatar, chez VU, en salle multi. Je pense que il va falloir se déplacer parce qu'en plus la plupart des choses sont gratuites, encore une fois, donc ça c'est un avantage de pouvoir venir découvrir de nouvelles choses. Et puis il y a cet aspect effectivement multimédia, puis c'est très international, il y a beaucoup d'artistes du monde entier qui sont présents encore une fois dans cette programmation. Et puis on n'a pas tant l'habitude de voir tout ce numérique, j'aime pas utiliser le terme bricolage parce que c'est pas tant ça que de l'expérimentation, des choses nouvelles, des installations performatives. C'est vraiment différent. C'est toujours une surprise, ce festival, le mois multi. Donc effectivement, à partir de la semaine prochaine, on se rend là-bas puis on se fait de belles surprises. Exactement. Alors, les installations sont visibles selon les heures d'ouverture habituelles, oui. Donc de midi à 5 heures, mais un autre volet sera dévoilé donc dans le cadre du vernissage de la grande soirée d'inauguration de la manif, au fond. Et le mois multi et la manif d'art se chevauchent. Tout à fait. Et donc, c'est samedi le 16 février à 20 heures. Oui. Il y aura donc un autre volet d'infiltration qui fait partie de la petite galerie de l'œil de poisson. Oui, tout à fait. Et ensuite, un autre des programmations, donc d'installations, oui, numériques d'art multi seront dans la salle multi, oui, de Méduse et dans d'autres lieux satellites également. On a quelques noms. On a Sonic Jungle de Florian Dussault qui sera en salle multi. Nils Volsker avec Five Pairs, pareil en salle multi. On parlait tout à l'heure d'Avatar. Ça va être Christian Delécluse avec Depuis la nuit suspendue des temps. Moi, je trouve ça très poétique, tous ces noms, ces petits descriptifs qu'on retrouve dans le programme. Je vous encourage à vous le procurer. Il est très coloré, il est très agréable à lire. Et puis, on retrouve un maximum d'informations, même par rapport aux visites guidées, aux visites de groupe, aux heures d'ouverture, aux tarifs éventuels. Mais la plupart sont en entrée libre, de toute façon, pour les installations. Donc oui, venez voir ça, venez à Méduse. Merci beaucoup à Anne-Sophie Homer pour ce compte-rendu et cet avant-goût donc du mois multi qui se poursuit. Au retour de l'extrait musical, je vais m'entretenir avec Cassandre Lambert-Pellerin qui nous parle d'une œuvre collective qui prend place dans le Vieux-Québec. Donc, avis aux amateurs et amatrices de métiers d'art, la chronique va sûrement vous interpeller. Alors, de retour au micro de l'aérospatiale, en compagnie cette fois de Cassandre Lambert-Pellerin. Bonsoir Cassandre. Bonsoir Claire. Cassandre est coordonnatrice de l'ESTRAD, le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Et elle est ici pour nous parler de le Vieux-Québec, une œuvre collective des gens d'ici. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet et par qui est-ce que c'est porté? Je pense qu'il y a plusieurs partenaires. Oui. En fait, nous, au Centre de valorisation du patrimoine vivant, on travaille avec vraiment les arts traditionnels en général. Donc, on s'intéresse à la fois à la musique, à la danse, au conte et à l'artisanat, au métier d'art. Donc, nous, ce projet-là, l'objectif, c'était vraiment de créer des rencontres entre les savoir-faire artisanaux d'ici, les artisans d'ici qui travaillent avec doigté à faire connaître puis perpétuer ces savoir-faire-là, également avec la population de la ville de Québec, mais aussi on voulait donner une occasion aux gens de Québec, aux gens qui habitent aussi le Vieux-Québec, de redécouvrir un peu les lieux historiques incontournables du Vieux-Québec pour essayer de les vivre un petit peu autrement, parce que le Vieux-Québec, ben, c'est pas juste pour les touristes, c'est aussi pour les locaux. Puis c'était un petit peu cette occasion-là justement de dire le patrimoine qui soit bâti ou immatériel, ben, c'est pour tout le monde, c'est pour les gens aussi d'ici. Donc c'est autour de cette idée-là qu'on a mené ce projet-là, donc Vieux-Québec collectif des gens d'ici. L'objectif, c'est une demande qui est venue de la table de concertation du Vieux-Québec, qui était à la recherche d'un projet justement pour mettre en valeur différents espaces, mais aussi différents savoir-faire autour de ce lieu-là. Puis nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce projet-là finalement. Donc, ça nous permet justement de réaliser 5 ateliers d'initiation à des savoir-faire artisanaux. Donc là, le projet s'est commencé là, à la fin du mois de janvier, donc il nous reste encore 3 ateliers d'initiation. L'objectif, c'était justement de permettre aux gens d'essayer des techniques. Donc, c'est pas un cours, on s'entend, on montre la base et on invite les gens à travailler, à expérimenter avec cette technique-là pour créer chacun un tout petit bout, que ce soit des petits carrés en crochet, une petite pièce brodée ou là, comme ce qui s'en vient bientôt, donc en fin de semaine, des petites fleurs en paperole. On va également travailler différentes formes en crocheté sur jute et finalement, on va faire aussi des pièces en feutre. Donc, tout ça pour créer une grande œuvre collective qui va être assemblée par les artisanes de grand talent avec qui on travaille pour cette atelier-là. Et puis, cette œuvre-là, ensuite, va être exposée tout au long de l'été. Donc, ça va commencer dès le mois de mai, parce qu'encore une fois, notre idée de rencontre, ben, elle se poursuit au-delà de l'initiation aussi aux techniques artisanales. L'objectif, c'était de permettre aux touristes qui visitent le Vieux-Québec de rencontrer des savoir-faire artisanaux, mais surtout de rencontrer des gens qui ont travaillé à tout ça. Donc, une grande œuvre collective qui va être exposée en extérieur dans 5 lieux, toujours à proximité de nos lieux d'initiation, pour permettre aux gens de dire « Waouh, il y a ça qui se passe ici », mais surtout, il y a des gens de la ville de Québec qui voulaient créer une œuvre pour nous la montrer, pour justement qu'on puisse rentrer en contact avec eux. Et les 5 lieux, je ne les ai pas encore nommés. Oui. On est allé faire un tour du côté du pôle culturel du monastère des Ursulines. La semaine dernière, on était au château Frontenac. Mais là, en fin de semaine, donc le 9 février, on s'en va au Moran Center. Donc, ensuite, on ira à l'îlot des Palais le 16 février et aux voûtes de la Maison Chevalier le 23 février. Et puis ce samedi, donc, l'atelier qui est au Moran Center, la paperole, peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est peut-être la technique la moins connue, oui. des 5 qu'on a choisi. La paperole, c'est une technique qui est très, très ancienne, qui remonte au Moyen-Âge, où les religieuses utilisaient de la feuille d'or pour créer des petits rouleaux de papier, les plier aussi. On sait que la feuille d'or, c'est très, très malléable, n'est-ce pas? Donc, de venir faire des petites formes pour orner les images saintes. Je vous confirme que l'atelier de samedi, on n'utilisera pas de feuille d'or, n'est-ce pas? On utilise maintenant du papier de construction. Il existe aussi, la technique en anglais s'appelle quilling, quand même assez connue sur Internet. Je vous dis, si vous allez dans Google Images, vous allez pouvoir trouver de très, très belles choses. En fait, c'est simple. On utilise un papier, des toutes petites bandelettes de papier qu'on vient tourner et plier et qu'on vient coller, en fait, sur la tranche là, du papier. Donc, c'est vraiment en 3D. Tout est dans la façon qu'on le tourne, qu'on le manie. Les couleurs sont super intéressantes aussi. Cette technique-là et toutes les techniques, d'ailleurs, sont autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. C'est vraiment pas juste pour les enfants. Mais j'avoue que la paperole, ça demande une belle petite dextérité là, pour réaliser tout ça. Pour ceux peut-être qui connaissent le travail de Paris Martin, elle avait utilisé la paperole sur une de ses sculptures, notamment. Donc, et comment se déroulent ces ateliers-là? Donc, C'est une initiation. Et donc, on repart pas avec le... Souvent, les initiations, on repart. Donc là, on fait don Exactement. On fait don de notre œuvre. Mais on veut quand même investir les gens là, de tout ça parce qu'on les invite aussi à se faire prendre en photo avec leur œuvre. Parce que d'un côté, l'œuvre collective, là, à la fin du projet, d'un côté, on aura donc notre grande murale. Mais à l'arrière, on veut mettre aussi le portrait des gens qui vont avoir travaillé pour qu'on puisse vraiment trouver la maternité de chacune de ces pièces. Là, donc, d'un côté, le visage des gens d'ici, de l'autre côté, leur travail. Donc, effectivement, on nous laisse l'œuvre et c'est ce qu'on va assembler. Ça va être une belle étape aussi de créer cette grande œuvre collective-là. Donc, vraiment, c'est une initiation qui n'est pas très longue. Ça commence à 13h et ça se termine à 15h. Mais on a donc 2 heures pour apprendre les gestes de base. C'est beaucoup dans le geste. Hein? Les savoir-faire artisanaux, c'est comprendre le geste créateur derrière tout ça, puis ensuite réaliser à la mesure du temps qu'on a aussi, évidemment, ce seront pas des... on n'atteindra pas des grands niveaux dans cet atelier-là, mais l'objectif, c'est vraiment de s'essayer au geste, puis ensuite de voir la beauté de ce que tout le monde fait ensemble pour réaliser le tout. Et il y a aussi une corrélation entre la technique de métier d'art et le lieu, parfois, comme là, les lieux chargés, là, les Ursulines brodaient comme des grandes artisanes, le papier, la paperole au Morin Center, qui est une bibliothèque, donc je vois des liens aussi. Oui, on a réfléchi à notre affaire en organisant tout ça, effectivement. Puis ce qui est intéressant, c'est l'association qu'on a eue avec ces 5 lieux historiques incontournables-là. C'était oui de leur offrait, hey, on va venir vous visiter, on va venir amener une activité dans vos murs, mais eux sont toujours super intéressés, entre autres, à ouvrir leurs portes pour qu'on puisse visiter aussi. Donc, si vous venez à l'atelier là, en fin de semaine au Moran Center, ben, vous pourrez aller faire un petit tour du côté de la bibliothèque. Donc, c'est toujours justement intéressant comme ça de pouvoir avoir accès là, à ces lieux-là qu'on ne pense pas toujours d'aller faire un petit tour, mais on est toujours bien content de pouvoir vous donner l'occasion de le faire là, pour les 3 prochains samedis. Alors, rapidement, comment fait-on pour s'inscrire à ces ateliers-là? Oui, bon, les ateliers ont des places limitées. J'ai vérifié tout à l'heure avant de venir, il nous restait encore de la place à chacune de ces activités. On doit s'inscrire, mais c'est gratuit. Donc, il suffit d'aller sur lepointdevente.com et de taper Vieux Québec et vous allez trouver nos ateliers, assurément. Donc, on s'inscrit et au moment de s'inscrire, on vous demande un petit 2$ qui vous sera remis quand vous viendrez à l'activité parce que c'est gratuit, mais on veut surtout pas... limiter le nombre de participants quand il y a des gens qui s'inscrivent mais qui viennent pas, ben donc on un petit incitatif de cette façon-là. Donc simplement s'inscrire par internet. Si jamais vous avez vraiment des problèmes de ce côté-là, vous n'avez qu'à contacter le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Donc vous pourrez trouver les coordonnées. D'ailleurs, on a des petits dépliants à la station à CKRL, donc ils sont disponibles à la table à l'entrée. Donc ça vous tente de venir faire un petit tour pendant le jour pour récupérer ça, vous pourrez trouver nos coordonnées puis ainsi là, pouvoir nous contacter pour vous inscrire. Donc, une belle façon de s'initier à l'artisanat, au métier d'art, qui ont une résonance tant dans la tradition que dans l'art contemporain. Donc, les samedis de février en après-midi. Et mon petit doigt me dit que le Centre de valorisation du patrimoine vivant a une activité durant le carnaval de Québec. N'est-ce pas? Enfin, on ne manque jamais d'activités. Pour ceux qui ont tendance à croire que les arts traditionnels, c'est réservé au temps des fêtes ou à la fête nationale ou tout ça, je voudrais, suivez-nous sur le web et vous saurez que ce n'est pas relégué à cette période-là. On a beaucoup, beaucoup d'activités tout au long de l'année. Effectivement, mais c'est le carnaval qui commence en fin de semaine ici à Québec. Donc, on est bien content de pouvoir présenter plusieurs activités différentes dans ce cadre-là. Entre autres, les voûtes carnavalesques trad. Donc, les voûtes carnavalesques, ça se passe aux voûtes de la Maison Chevalier dans le Vieux-Québec. À ce moment-là, ben, on va faire plein d'activités. Les vendredis soirs, il va y avoir des spectacles qui vont être là de musique traditionnelle. Ensuite, dans le jour, des samedis et dimanches, on va avoir plusieurs initiations à la cuillère, à la podorythmie, à la chanson, mais pour ça, pourquoi je voulais vous en parler ici à l'aérospatiale, c'est qu'on va avoir on fait une performance. On va tenter de faire le plus long foulard aux couleurs du carnaval, donc sur notre métier saori, un métier à tisser mais très très simple, avec seulement 2 pédales. Donc on va travailler là-dessus. Donc on vous invite tous à venir faire un tour au voûte carnavalesque. Merci beaucoup Cassandre Anvers-Pellerin pour cet aperçu de l'œuvre collective des gens d'ici et de ce qui se trame pour le carnaval. Donc, c'est le moment de la pause publicitaire et au retour, je m'entretiens avec Gentiane Lafrance, votre animatrice, mais elle nous parle de son projet de commissariat à l'espace F à Matane. Restez là. Communication, culture. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix culturel pré-Radiothon offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, comprenant 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave, 2 billets pour la pièce Les choristes et 2 billets pour le spectacle de Tire le coyote. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575-201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Vous connaissez une personne au parcours exceptionnel en sciences ou en culture? Soumettez sa candidature au Prix du Québec. 15 prix seront remis annuellement, notamment en sciences humaines et sociales, en architecture et design, en recherche industrielle, en radio, télévision, presse écrite ou médias numériques, ou encore en innovation sociale. Vous avez jusqu'au 25 mars pour déposer un dossier de candidature. Rendez-vous au prixduquebec.gouv.qc.ca. Les Prix du Québec, l'excellence en culture et en sciences. Un message du gouvernement du Québec. Les soirées Pitchacucha sont de retour à Québec le 13 février 17h30 à l'atelier de la mezzanine chez Méduse. Pitchacucha? Pitchacucha, des soirées bouillonnantes de culture avec 12 invités qui relèvent le défi de vous présenter leur travail en 6 minutes 40 secondes, soit 20 images présentées et 20 secondes par image. À Pitchacucha, on parle de théâtre, de danse, de bande dessinée, d'art visuel ou d'art audio, d'aménagement du territoire et plus encore. Un concentré de découvertes qui vous est offert avec la collaboration de la Manif d'art à ne pas manquer. Programme complet sur Facebook Pitchacucha Québec. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Je suis un dessinateur, illustrateur. Ces temps-ci, je fais de la peinture aussi. J'ai fait de la bande dessinée. J'ai fait d'illustration, même commerciale. Je communique les idées avec les images. Fred Jourdain, un talent fou. Je veux continuer à expérimenter puis parfaire ma connaissance de ce langage-là qui est l'illustration de la peinture. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. En 2035, un équipage composé uniquement de femmes s'envole pour Mars. À travers leur épopée, on suit le parcours des pionnières de la conquête spatiale et des grandes aventurières de l'histoire qui ont pavé la voie pour des générations de femmes à venir. Nouvelle production du Théâtre Niveau Parking, écrite et mise en scène par Caroline Boucher-Boudreau et Marie-Josée Bastien, Astronette, la longue marche vers les étoiles, est présentée du 12 février au 2 mars au Théâtre Périscope. Pour réservation, 418-529-2183 ou sur pointdevente.com. Bonsoir, vous êtes de retour à l'aérospatiale, à la deuxième partie de l'émission, votre magazine qui est destiné aux arts visuels à Québec. Donc en deuxième partie, je recevrai Myriam Leland. Bonsoir Myriam. Bonsoir Claire. Bonsoir pour une chronique qui porte sur l'exposition Chevaucher les finis qui est présentée à l'Université Laval. Mais avant, j'aurai la chance de m'entretenir avec Gentiane Lafrance qui est au bout du fil. Bonsoir Gentiane. Bonsoir Claire Dumoulin, ça va bien? Ça va bien et toi? Bonsoir Myriam Leland. Bonsoir Gentiane. Alors, Gentiane Lafrance, que vous connaissez bien, c'est votre animatrice, mais elle est artiste, elle est commissaire d'exposition. Alors, nous entretiendrons avec elle à propos de son projet Les Entretemps, une exposition qui est présentée donc à Espace F à Matane. Est-ce qu'il fait beau à Matane? Oui, il fait très très beau à Matane. Là, on a eu un peu de mauvais temps hier, mais aujourd'hui, le soleil s'est pointé le bout du nez. Fabuleux. Alors, oui. C'est un centre d'artistes qui se consacre à la diffusion et à l'action culturelle, beaucoup dans la photo et la vidéo et les arts numériques. Mais je te cède le micro. Qu'est-ce que c'est que ce projet Les Entretemps? Parle-nous-en. Donc les Entretemps, c'est un commissariat j'ai décidé d'inviter trois artistes qui travaillent en photographie et c'est trois artistes émergents, donc qui ont une toute jeune pratique. Et en invitant ces artistes-là, il y a cette réflexion qui a émergé, qui fait partie quand même beaucoup des pratiques photographiques. Donc cette réflexion sur les espaces qui se créent entre les photographies, autant dans l'espace d'exposition, autant dans la réflexion qu'on peut avoir par rapport au temps dans la photographie, donc le moment qui est capté, le moment présent, et aussi dans l'imaginaire, donc en voyant par exemple deux photographies l'une à côté de l'autre, il y a un dialogue qui s'installe et notre imaginaire est sollicité. Ah. Et qui sont ces artistes que tu as regroupés? Donc, J'ai invité Valérie Arsenault, qui est une toute jeune artiste de Québec, qui est actuellement au baccalauréat à l'Université Laval en arts visuels et médiatiques, qui, avant d'entamer son baccalauréat à l'Université, a fait beaucoup, beaucoup de photographies argentiques. Je lui ai demandé de me faire quelque chose avec toutes ces belles photos qu'elle avait réalisées. Donc elle a monté un projet spécialement pour l'exposition. Il y a Morgane Clément-Gagnon qui revient d'un séjour de création, une résidence qu'elle a eu l'occasion de faire en Islande au cours du temps des fêtes. Et elle s'est penchée là, plus particulièrement sur différents éléments de paysage, mais également cette mythologie toute particulière du peuple islandais qui croit au Huldufólk, donc qui est une espèce de peuple caché qui se logerait dans les rochers du paysage. Donc, il y a quelque chose de très mystérieux aussi dans sa pratique. Et le troisième artiste, Hubert Gaudreau, qui vit maintenant à l'Île Verte, mais qui vient de Québec, et qui a travaillé à partir du sentiment qu'il vivait en appréhendant son déménagement de Québec à l'Île Verte. C'est fort inspirant, c'est fort intriguant aussi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de découvrir dans la galerie? Avec cette réflexion-là sur ce que j'appelle les entretemps, c'est les intervalles entre les photographies, les espaces entre les photographies qui nous ont intéressés, parce que c'est un travail de collaboration, donc qui nous a intéressés, les artistes, les trois artistes et moi en tant que commissaire. Donc, par exemple, pour ce qui est de Valérie Arsenault, c'est un accrochage qui est très, très, très aéré. Donc, des assemblages de photographies avec des échelles différentes qui vont être accroché très, très près du plafond, très, très près du sol, donc qui vont nous inviter à avoir un parcours visuel. Elle a une sensibilité formelle aussi très intéressante. Donc, il y a des jeux de rapports de couleurs, de rappels, de formes qui s'instaurent entre les images, mais également des jeux d'ambiance et une histoire qu'on peut se raconter, parce que l'histoire, finalement, elle appartient aux visiteurs à ce moment-là. Puisque c'est pas un reportage, c'est pas un documentaire, il n'y a pas un fil narratif très, très, très concret. Et oui, vas-y. Non, continue. Et avec Morgane Clément-Gagnon, on est encore dans l'installation. Et Morgane, elle est en train d'explorer la matérialité aussi des photographies. Donc, elle s'est amusée. Elle a suspendu une photographie qui crée un cône dans l'espace. Il y a également une projection vidéo où elle a créé des raccords, pas des raccords, mais un montage croisé de différentes photographies du même endroit exactement en Islande. Elle s'est beaucoup intéressée à tous ces changements de lumière qu'il y a dans l'hiver islandais. Donc, la lumière est différente à chaque moment du jour et le jour lui semblait passer à rebours. Donc, le début de la journée lui semblait un peu comme une fin de journée et la fin de la journée lui semblait plus comme un début de journée en ce qui a trait à la lumière dans le ciel. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé aussi dans son exploration photographique du territoire islandais. Puis, donc, des photographies accrochées au mur, mais également des photographies installées dans l'espace où on apprécie peut-être la photographie dans sa matérialité pour le papier qu'il est aussi, cet objet photographique. Et pour Hubert Gaudreau, comment ça se manifeste dans la galerie? Dans le cas d'Hubert, il y a un fil narratif poétique, peut-être un peu plus présent. Il travaille plus dans ce qu'on appelle la séquence ou la série en photographie. Donc, il suggère un ordre de lecture aux visiteurs. Puis, cet ordre de lecture-là va rejoindre des préoccupations personnelles que l'artiste a eues, mais nous, on ne connaît pas ces préoccupations-là, donc on peut s'inventer notre histoire à nous aussi au travers de ça, une histoire qui est très poétique, qui est composée d'images qu'il a captées dans son quotidien, soit à Québec, soit à l'île Verte, lorsqu'il allait visiter sa nouvelle maison, sa nouvelle terre, en se promenant dans la forêt, en ressentant cette espèce de crainte de néo-rural qui a toujours connu la ville et qui se retrouve dans des espaces où on est un peu inquiet, on connaît pas l'univers de la forêt. Et il y a cette inquiétude-là qui peut se manifester dans certaines photographies, par exemple, un crâne de vache qui est accroché sur un poteau qu'il a découvert dans un champ, ou une forêt très, très dense, donc où on voit pas l'horizon, on voit pas ce qui se passe derrière les arbres, mais en même temps, il y a quelque chose de très contemplatif, très poétique aussi dans son regard sur le quotidien et sa façon de flâner, de partir à la recherche d'images poétiques dans son environnement. C'est vraiment hyper intéressant. Merci pour cette plongée dans cette exposition, les entretemps qui est présenté à l'espace F. Tu es la commissaire d'exposition et il semble que les artistes sont vraiment dans leur accrochage, même avec des libertés. Quel était ton rôle de commissaire par rapport au travail des artistes? Ben c'est du cas par cas, hein. Donc, pour chaque artiste, ça se passe de manière complètement différente. Avec Valérie Arsenault, par exemple, comme je disais tout à l'heure, moi je connaissais un peu ses photographies, puis je lui ai commandé de me monter une idée d'exposition pour participer, une idée de projet pour participer à l'exposition, alors que Hubert, c'était un travail qui était déjà entamé, qui était déjà en cours. J'ai choisi entre deux projets qu'il avait fait. Donc, il m'a montré un projet qui était plus terminé, un projet qui était plus en cours. Puis moi, je me suis intéressée à son projet plus récent. Et Morgane Clément-Gagnon, elle était en résidence en Islande. Donc, c'est vraiment à l'occasion de cette résidence-là qu'elle a suivi beaucoup de pistes de réflexion dans ses photographies. Et on a eu quelques rencontres qui ont dessiné aussi des idées, des pistes d'idées d'exposition. Donc, c'est très différent pour chaque artiste. Puis c'est vraiment un travail de collaboration. Puis c'est ça que j'aime, tu sais. Puis, finalement, une commissaire, ça devient en quelque sorte une espèce de consultante là, dans un projet. Ah ben, donc merci beaucoup Gentiane pour cet entretien. Au fond, je te laisse retourner au montage d'exposition. Oui, tout à fait. Le vernissage. Merci à Claire Dumoulin de m'avoir invitée à parler de l'exposition. Là, j'y aurais pas pensé, mais moi je trouve que c'est une belle occasion d'en parler avec les auditeurs, les auditrices de l'aérospatiale. Mais oui, faire connaître ton travail aussi. Puis t'es une artiste de Québec, oui. Là, qui donc. Commissaire donc à Matane. Donc bon vernissage ce vendredi. Gentiane sera de retour donc au micro de l'aérospatiale la semaine prochaine et de nous. Merci beaucoup. Après la pause musicale, je m'entretiens avec Myriam Leland qui nous parle d'une nouvelle exposition collective mais plutôt individuelle là à l'Université Laval qui s'intitule Chevaucher l'infini. Alors, bonsoir Myriam Leland. Rebonsoir Claire. Alors, tu es là pour nous parler de l'exposition « Chevaucher l'infini » d'Annabelle Guimont-Simard. C'est présenté à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval depuis lundi, mais vernissage ce soir. C'est ça, exactement. Moi, je suis allée le voir lundi soir, justement, la journée d'ouverture. Puis, en fait, j'étais plutôt contente parce que, comme on s'en parlait pendant la pause musicale, c'est une atmosphère qui est un peu... j'ai pas d'autre mot que étrange pour le décrire. Puis, étant donné que c'était avant le vernissage, j'ai l'impression qu'il y a pas énormément de gens qui étaient au courant que c'était ouvert. Donc, j'étais seule dans l'exposition. Puis, j'ai l'impression que ça m'a donné vraiment l'opportunité d'expérimenter cette œuvre installation-là d'une autre manière que les gens qui seront au vernissage ce soir, en fait, après l'émission, là, à 19h. Donc, ça vous laisse le temps de finir l'émission puis de partir pour le vernissage à l'université. Donc, en fait, Annabelle Guimont-Simard, c'est une artiste multidisciplinaire, fait un peu de tout. Elle est beaucoup dans le carnet de voyage au sens large. Son site web, qui est un genre de blog en même temps, là, c'est vraiment un site WordPress que je vous suggère vraiment d'aller voir suite à l'exposition aussi. Là. Elle ressemble vraiment à un carnet de voyage, des photos, des descriptions d'expériences. Puis, en fait, Chevaucher l'infini, ça m'a donné cette impression-là d'avoir un peu un carnet de voyage très, très intime, très personnel, puis qui laisse place aussi à l'interprétation, étant donné qu'on n'est pas dans le dit, mais bien dans le montré. Donc, en gros, c'est, on entre dans la salle, je décris un peu ce que c'est, là. Il y a un genre de cube fait de rideaux noirs suspendus. On voit à travers les craques des rideaux qu'il y a de la lumière, donc on présume des projections. Mais première chose qui m'a frappée, en fait, j'ai dû faire le tour du carré. Je savais pas par où entrer. Puis, encore plus important que ça, je savais pas si j'avais le droit de rentrer. Ah, c'est intriguant. Oui, c'est ça. Je trouve ça bien parce que, en fait, tout de suite, sans même savoir que la thématique de sa démarche était le travail... Ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est quand on visite un pays qu'on ne connaît pas, qu'on s'intègre à une culture qu'on connaît moins, bien, les codes changent. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. On apprend par essai-erreur un peu. Puis j'avais vraiment l'impression d'explorer un nouveau territoire, là. C'était vraiment la première impression que ça me fait. Donc, quand j'ai fini par trouver la craque qu'on pouvait entrouvrir pour entrer... j'ai vu l'installation comme telle. Donc, au centre de la pièce, il y a une genre de plateforme de bois avec un trou dedans, puis un projecteur, mais qui projette vers le plafond, à travers le trou. Il y a deux autres projections comme ça. Les deux sont au mur, puis ce sont des murs qui sont... amovibles, là? En fait, les murs, ce sont les rideaux, mais ils sont... Perpendiculaire. Oui. C'est le mot que je cherchais en faisant mes petits symboles de main. Donc, ce sont les rideaux, les pans de rideaux perpendiculaires qui ont chacun des projections. Puis, en fait, ce sont toutes des images, pas qui se ressemblent, mais qui sont un peu dans le même registre. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais on est capable de définir quelques formes aussi. Ça semble très naturel comme thématique, donc on croit reconnaître des branches parfois, des paysages de coucher de soleil, des choses comme ça, mais tout ça en mouvement avec une trame sonore plutôt naturelle. C'est pas très fort non plus comparé à ce à quoi on peut être habitué dans des installations multimédia comme ça, là. C'est vraiment, on se demande en fait si c'est le bruit de l'agora de l'université ou que ça fait partie de l'exposition. Donc, encore là, on sait pas trop dans quel espace on est. Il y a comme un flou qui est presque réconfortant, en fait. C'est très intime, très feutré. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est que la projection qu'il y a au plafond, à cause du trou qu'il y a dans la plateforme, qui est rond, on dirait vraiment... premièrement, on dirait un rétroprojecteur, comme quand on était au primaire, là, avec l'acétate. Mais ça rappelle aussi des projections de microscope. Puis, sur cette projection-là, dans cette projection-là, on voit l'artiste, on présume, qui dessine... Mais étant donné qu'on ne voit que l'ombre du crayon, ça fait vraiment penser à une seringue ou quelque chose qui va piquer dans un plat de pétri, puis même à un moment donné, il y a une injection de liquide, mais dans un dessin, c'est très flou, mais on peut se créer la narrative qu'on veut là-dedans. C'est presque un voyage pour nous également. Donc, je trouve que c'est une installation qui est peut-être difficile à qualifier, à mettre des mots dessus, mais ça en fait la beauté. Alors, je suggère aux visiteurs de peut-être simplement y entrer puis se laisser aller là-dedans puis sans chercher à coller un sens nécessairement, simplement vagabonder. Ce qui m'amène au vernissage que ce soir va avoir une performance du collectif dont Annabelle fait partie. Les Indisciplinés. Le collectif est formé d'Alice Vermandel, Hubert Michaud et Louis Solem Perrault. Exactement. Je crois qu'il y a une portion de danse. C'est une performance de 15 minutes, donc au vernissage. Exact. Donc la danse va se mêler au dessin. C'est ça. C'est un collectif. En fait, le nom le dit un peu. Là. Il se qualifie de collectif. Je crois que c'est quelque chose comme innommable ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment indiscipliné comme dans leur nom. C'est une performance laboratoire qu'ils appellent. Donc, en fait, c'est que l'espace de l'installation va devenir leur laboratoire, leur espace de jeu. Donc, je crois qu'il y a énormément d'improvisation dans ce qu'ils font. Puis, je trouve que ça ramène un peu à cette idée de vagabonder, de se promener, puis de se laisser aller dans l'univers dans lequel on est, qu'on va retrouver dans cette performance-là probablement. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est la beauté de la chose aussi de découvrir sans trop savoir. Et donc, pour revenir à l'exposition, oui. On retrouve aussi des dessins, mais il n'y a pas de lieu qui est vraiment nommé. On peut reconnaître des représentations, mais est-ce que c'est le Québec? Est-ce que c'est d'autres pays? Est-ce que c'est des paysages, des collages? Donc, est-ce qu'il y a des pistes? Oui, bien, quand on entre dans la pièce, avant même de pénétrer les rideaux noirs, il y a un petit podium avec des textes qu'on peut lire. Donc, si on lit ça avant, on sait que ce sont beaucoup des paysages québécois, mexicains et parfois inventés. Donc, d'où le dessin. Mais ce sont les seules pistes qu'on a. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de... Même dans les photographies ou dans les séquences vidéo, on ne peut pas reconnaître de building ou de symboles iconiques d'une ville ou même d'un pays. Puis avec les couchers de soleil qui sont plutôt génériques, en fait, c'est même dur de savoir si c'est québécois ou mexicain quand ce sont des images vidéo. Donc, c'est quand même bien de laisser aller son imagination puis de soit s'imaginer au Mexique, surtout avec la température qu'on a ces temps-ci. Ça peut être tentant de s'imaginer dans le sud. Sinon, on peut s'imaginer autre chose à notre guise. Donc, une manifestation un peu de la politique de l'espace, oui. Qui tombe sous le thème aussi de la manif oui. d'Art Neuf. C'est en plein dans le grand thème. Et c'est une activité satellite, au fond. On rappelle encore que le grand lancement, c'est le samedi le 16 février. Ça oui. approche. Si petit entre les étoiles. Et la suite, c'est... Si grand contre le ciel. Et voilà. donc, merci beaucoup, Myriam Leland, pour cet avant-goût de Chevaucher l'infini. On rappelle que le vernissage, c'est ce soir et que l'exposition se poursuit jusqu'au 23 février. C'est dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Au local 2470, pour être précise. Merci. Donc, au retour de la pause musicale, je fais un survol de l'agenda des arts visuels. Fantasies. Alors, c'est ainsi que se termine votre émission l'aérospatiale, votre magazine des arts visuels à Québec pour le mercredi 6 février. Donc, je rappelle l'agenda de la semaine. Donc, comme on a discuté avec Myriam Leland, il y a l'exposition Chevaucher l'infini d'Annamelle Guimond-Simard qui se termine, qui vient de débuter et qui se termine le 23 février. Il y a la Porte du non-retour de Philippe Ducrot qui est présentée jusqu'au 12 février dans le cadre du mois multi au théâtre Périscope. In the Still of the Night d'Esté Préda, c'est à Critérium, l'espace galerie. Le vernissage est ce vendredi 8 février à 17h. C'est la dernière semaine pour voir, donc jusqu'à vendredi le 8 février, quelque part d'Alfia Jonca et Sophie Lauzé. C'est présenté à l'espace Parenthèse. Jusqu'à dimanche le 10 février, il y a l'exposition de Marie-France Tremblay, Faire prendre. C'est à Engram, dans le complexe Méduse. Et l'exposition Banc d'essai de Besma Boukri, Vincent Drouin et William Légaré, qui est présenté à la Galerie des arts visuels sur le boulevard Charest. Et de plus, l'exposition en collectif qui est pilotée par les commissaires Charlotte Boisvert-Simard et Delphine Eggesbord, c'est double-double, présenté dans un lieu inusité au 644 rue Saint-Joseph-Est. Donc, jusqu'au dimanche 10 février. C'est ainsi que se termine cette édition donc de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en baladodiffusion sur notre page web l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur la page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à mon invité Cassandre Lambert-Pellerin et Jean-Tienne Lafrance, de même qu'aux chroniqueuses Anne-Sophie Homer et Myriam Leland. Merci à Simon Roy pour la sélection musicale. On a entendu tout au long de l'émission l'artiste, c'était en fait un trio, une espèce de collectif Wax Triptych, qui est formé de Mononome, Genova 7 et Monsieur Moods. Donc l'album s'appelait A Tale of Three Heads. La mise en onde de l'émission est assurée par l'excellent Jacques Gignac. Merci beaucoup, Jacques. Et merci à ma gentille Lafrance de m'avoir fait confiance et prêté son micro. Elle sera de retour à l'animation dès la semaine prochaine. Ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et demeurez à l'écoute, car de l'autre côté de la pause, il y a Pierre Blais et son équipe qui vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. Communication, culture. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 $ avant le 29 mars à 17h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. L'Orchestre symphonique de Québec présente « La douce folie de Haydn et Mozart » où la musique et l'humour se courtiseront. À travers des œuvres aussi variées qu'exquises, le baryton Régis Mengus deviendra un maître de chapelle dans une mise en scène de l'inégalable Jacques Leblanc. Le mercredi 6 février au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de saison. La Foire Geek de Québec, faite pour les fans et par des fans. Le 9 février, c'est la Foire Geek de Québec, une expo-vente regroupant plusieurs artistes et marchands de la région. L'événement a pour but de faire connaître l'univers geek au grand public. Expositions, kiosques de jeux, animations et plusieurs activités. Retrouvez vos personnages et super-héros préférés. Star Wars, Seigneur des Anneaux, Batman et autres. La Foire Geek de Québec, le 9 février dès 10h au complexe sportif du Cégep Limoilou, 1300 8e avenue. Foiregeek.com ou sur Facebook. En partenariat avec Frima Studio. Nos profits iront à l'organisme AXA.